Mais comment vivre sans toi, mon bébé d'amour? Moi je ne pourrais pas, mon amour. Nous vivons sous le même toit, au chaud tous les jours. C'est petit ton chez toi, mais il y a des murs autour. Mais comment vivre sans toi, dehors tous les jours? Beaucoup de gens ont froid, sans toi ni mur autour. Non, c'est pas rigolo, mais tu dois le savoir. Y'a des gens pas très beaux qui dorment sur les trottoirs. Les gens qui vivent sans toi te paraissent étranges. On se promène en ville, voilà qui nous dérange. Si maman te dit t'approche pas, elle a sûrement raison. Mais un sourire de toi en leur direction fera plaisir, je crois, pourra même réchauffer leur cœur, à défaut de leur donner un toit, offre-leur un peu de bonheur, de bonheur. Les gens qui vivent sans toi, souvent on leur reproche de faire peur quelquefois lorsqu'ils nous approchent. Pour une pièce de monnaie, et même s'ils rigolent, ils sont tristes, tu sais. Les gens qui dorment par terre n'ont pas eu de chance, ça nous met en colère. Il y en a trop en France. Excuse-moi, mon enfant, de parler de misère, mais j'espère.